Jérémie chapitre 43. Or il arriva qu'aussitôt que Jérémie eut achevé de prononcer à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, pour lesquelles l'Éternel, leur Dieu, l'avait envoyé vers eux, savoir toutes ces choses-là, Azarja, fils d'Ozaja, et Johanan, fils de Caréa, et tous ces hommes fiers, dirent à Jérémie, « Tu profères des mensonges, l'Éternel, notre Dieu, ne t'a pas envoyé nous dire, n'entrez point en Égypte pour y séjourner. Mais Baruch, fils de Nerija, t'incite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour nous faire mourir, et pour nous faire transporter à Babylone. Ainsi Johanan, fils de Caréa, et tous les capitaines des gens de guerre, et tout le peuple, n'écoutèrent point la voix de l'Éternel, pour demeurer au pays de Juda. Car Johanan, fils de Caréa, et tous les capitaines des gens de guerre, prirent tout le résidu de ceux de Juda, qui étaient retournés de toutes les nations parmi lesquelles ils avaient été chassés, pour demeurer dans le pays de Juda. Les hommes, et les femmes, et les enfants, et les filles du roi, et toutes les personnes que Nébuzaradan, prévôt de l'autel, avait laissées avec Guédalja, fils d'Ahikam, fils de Safan, ils prirent aussi Jérémie le prophète, et Baruch, fils de Nerija. Et ils entrèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent point à la voix de l'Éternel, et ils vinrent jusqu'à Taphné. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, dans Taphné, en disant, « Prends en ta main de grosses pierres, et les cache dans l'argile, en la tuilerie qui est à l'entrée de la maison de Pharaon, à Taphné, les Juifs le voyant. » Et leur dit, « Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je m'en vais mander et faire venir Nebuchadnetsar, roi de Babylone, mon serviteur, et je mettrai son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et il étendra son pavillon sur elles, et il viendra et frappera le pays d'Égypte. Ceux qui sont destinés à la mort, iront à la mort, et ceux qui sont destinés à la captivité, iront en captivité, et ceux qui sont destinés à l'épée, seront livrés à l'épée. Et j'allumerai le feu dans les maisons des dieux d'Égypte, et Nebuchadnetsar les brûlera, et il emmènera captifs ceux d'Égypte, et il se parera des richesses du pays d'Égypte, comme le pasteur s'enveloppe de son vêtement, et il en sortira en paix. Il brisera aussi les statues de la maison du soleil qui est au pays d'Égypte, et brûlera au feu les maisons des dieux d'Égypte.